Le gouvernement des États-Unis a décidé l'offre des aides humanitaires à la République populaire démocratique de Corée, qui a subi l'année dernière des dommages à cause de l'inondation dans la région septentrionale.